Jean chapitre 21. Après cela Jésus se fit voir encore à ses disciples, près de la mer de Tibériade, et il s'y fit voir en cette manière. Simon Pierre, et Thomas, appelé Didyme, et Nathanaël, qui était de Cana de Galilée, et les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples, étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous y allons avec toi. » Ils partirent donc, et ils montèrent d'abord dans la nacelle, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne connurent point que ce fut Jésus. Et Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelques petits poissons à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne le pouvaient tirer à cause de la multitude des poissons. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et quand Simon Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il ceignit sa tunique, parce qu'il était nu, et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans la nacelle, car ils n'étaient pas loin de terre, mais seulement environ 200 coudées, traînant le filet de poissons. Et quand ils furent descendus à terre, ils virent de la braise, et du poisson mis dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez maintenant de prendre. » Simon Pierre monta, et tira le filet à terre, plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne fut point rompu. Jésus leur dit, « Venez, et dînez. » Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» voyant bien que c'était le Seigneur. Jésus donc vint, et prit du pain, et leur en donna, et du poisson aussi. Ce fut déjà la troisième fois, que Jésus se fit voir à ses disciples, après être ressuscité des morts. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore, « Simon fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit, « Pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Or il dit cela pour marquer de quelle mort il devait glorifier Dieu, et quand il lui dit ces choses, il lui dit, « Suis-moi. » Et Pierre se retournant, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, et qui durant le souper s'était penché sur le sein de Jésus, et avait dit, « Seigneur, qui est celui à qui il arrivera de te trahir ?» Quand donc Pierre le vit, il dit à Jésus, « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Or cette parole courut entre les frères, que ce disciple-là ne mourrait point. Cependant Jésus ne lui avait pas dit, « Il ne mourra point, mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses, et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est digne de foi. Il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles étant écrites en détail, je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen.